Unité 3, leçon 1. Document 1, page 46. Alors Magali, tu viens me voir dimanche ? Où Stéphane ? Chez toi ? Mais non, à la compétition de danse par couple. Tu participes à cette compétition ? Bien sûr, et ce n'est pas la première fois que j'y participe. Ah mais, je ne savais pas. Qui est ta partenaire ? C'est Marlène, ça fait 3 ans qu'on danse ensemble. J'adore danser, moi aussi. Mais j'y ai renoncé. Je suis nulle. Si tu veux, je t'apprendrai. Je suis sûre que tu réussiras avec moi. Réfléchis à ma proposition. J'y penserai. Mais tu fais de la danse depuis longtemps ? Oh, depuis l'âge de 16 ans. Avant, j'adorais le football. Mais depuis que j'ai découvert la danse, je n'y joue plus et je ne m'y intéresse plus du tout. Moi, je faisais de la danse classique quand j'étais petite. Je n'étais pas très douée, mais j'ai gardé mes premiers chaussons. J'y tiens beaucoup. Puisque tu as déjà fait de la danse, ce sera facile. Quelle est la danse que tu préfères ? Le rock'n'roll. Je voudrais bien apprendre à le danser, mais je n'y arriverai jamais. Mais si ! Premier cours de danse mardi prochain chez moi à 19h. Ça te va ? Parfait. Rendez-vous mardi.